C'est génial, hein, ce truc, une boîte. Ah, j'ai perdu. Oh putain, j'ai perdu la truc de conversation. J'ai perdu là. Ah, elle est là. La basse est trop haute. Merde. J'avais pas lu, putain. Excuse-moi, Titi. En fait, j'avais plein de fenêtres ouvertes. Et du coup, j'ai pas vu ce que t'avais marqué. Ma basse était trop haute. Désaccordée. Sympa quand même. Ouais, allez, bon appétit. Allez, t'es pas juste, ouais, c'est possible, je l'ai pas accordé. Bon, l'idée était pas mal. Allez, bonsoir, bon appétit à tous. Et à demain peut-être, demain soir. Il y a ma basse qui fait un drôle de... Ça sent la droite. Moi je suis l'ordinateur Windows 98. Ça c'est bilos. Tu m'as bien fait rire la dernière fois. Allez, ouais, bon apéro. Et pour moi c'est un whisky. Whisky coca pour moi. Non, il n'y en a pas. Oh merde, putain, j'aurais bien vu. Bon, alors une bière. Un whisky sec. Non, c'est pour mon mal de mon angine. Allez, bye. Thank you.